Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On pourrait lire la célèbre maison de Pierre Loti, aujourd'hui en travaux, comme une projection de sa personnalité. On y entre par des pièces qui datent de son enfance et qu'il a conservées intactes, guidées par son penchant pour la nostalgie. Puis on découvre un grand escalier renaissance, signe de son goût pour la grandeur, avant d'arriver à la mosquée, symbole d'une perpétuelle envie d'ailleurs. Seule la chambre de l'écrivain est blanche, monacale, comme si l'homme était une page vierge sur laquelle écrire toutes sortes de personnages. Et c'est tout l'objet de la semaine qui commence que de creuser ces hypothèses. Nous parlons en effet de lui jusqu'à jeudi. Jeudi où il sera question de l'un de ses romans du harem, Les Désenchantés, et plus généralement de la question de l'orientalisme. Notre invitée sera Sophie Bache. La veille, mercredi, nous évoquerons d'autres voyages de Loti avec Jean-Claude Perrier, tandis que demain, nous ferons le parcours de l'œuvre et de ses différents cycles autobiographiques, oriental, maritime. Ce sera avec Bruno Versier. Et aujourd'hui, aujourd'hui, pour raconter la vie de Pierre Loti, nous sommes en compagnie d'Alain Kélavi-Léger, qui a beaucoup écrit sur l'auteur d'Asie Yadé et qui publie ces jours-ci une biographie de l'écrivain intitulée « Pierre Loti, une vie de roman ». C'est aux éditions Kalman Lévy. Bienvenue à tous dans la compagnie des œuvres. Au cours de ma vie, j'aurais donc été moins impressionné, sans doute, par la fantasmagorie changeante du monde si je n'avais commencé l'étape dans un milieu presque incolore, dans le coin le plus tranquille de la plus ordinaire des petites villes, recevant une éducation austèrement religieuse, bornant mes plus grands voyages à ces bois de la Limoise, qui me semblaient profonds comme les forêts primitives, ou bien à ces plages de l'île, qui me mettait un peu d'immensité dans les yeux lors de mes visites à mes vieilles tantes de Saint-Pierre-d'Oléron. Bonjour Alain Kélavi-Léger. Bonjour. Comme Pierre Loti, vous êtes né à Rochefort-sur-Mer, en Charente-Maritime, dans ce milieu qu'il désignait, on vient de l'entendre, dans le roman d'un enfant, comme presque incolore, tranquille, ordinaire. J'imagine que vous en avez une toute autre image et de tout autre souvenir. Oui, Loti a tendance à décolorer justement une région qui par ailleurs est tout de même ensoleillée et très très lumineuse. Mais ce qu'il dit est intéressant parce que cette enfance dans le pays Saint-Onger, elle a quelque chose d'une école de l'exotisme. Loti va travailler après beaucoup sur le contraste, mais il va avoir sans cesse un peu le réflexe de recréer ça, de rechercher cela. C'est-à-dire partout où il y a trop de couleurs, trop de lumière, il a tendance à ramener à cette Saint-Onge d'origine, à ce pays charentais, à ses infinis liés à l'océan, au rivage, à la présence du fleuve Charente, à ces marais qui entourent Rochefort, à ces platitudes, c'est un homme du plat pays. Et finalement, c'est un peu le territoire des origines, originel, voilà, et qui sert de matrice à beaucoup de textes. Et les textes se construisent beaucoup par référence à ce texte, à ce territoire-là. On a le sentiment qu'il a eu envie, lui, d'une vie qui serait colorée, intranquille, extraordinaire, un petit peu comme s'il fallait faire le contraire de l'impression d'enfance qu'il avait de son pays, de sa région. Oui, mais c'est ce qui est curieux dans le roman d'un enfant ou dans Prime Jeunesse et dans l'ensemble de ses souvenirs de familiaux, c'est qu'il raconte une histoire familiale extrêmement chaleureuse, un cocon finalement en réalité très étouffant, et à la fois il le valorise, il l'idéalise, et en même temps il n'a qu'une envie, c'est de le fuir, et c'est d'aller voir ailleurs. Et donc il écrit beaucoup sur la maison, sur ce cocon familial, et en même temps ce qui l'intéresse, c'est ce qui est dans la rue déjà, étant gamin. Ce sont les marins qui sont dans le port, c'est les départs pour le monde des colonies, voilà. Et donc c'est le rapport très ambivalent qu'il a avec la sédentarité, avec la maison qu'il n'a jamais quittée, qu'il a vous citiez cette maison qu'il a par ailleurs évidemment complètement transformée, mais qui est en même temps la maison familiale, et puis ce besoin permanent de partir. Et de vivre plus libre, de s'accomplir, d'accomplir son destin. Alors, plus libre et, j'allais dire, plus multiple. C'est-à-dire qu'une seule destinée ne peut pas lui suffire. Loti va passer son temps à se démultiplier, ne serait-ce que par les identités. D'ailleurs, Pierre Loti, c'est un double de Julien Viau pour l'état civil, mais ses identités vont être multiples tout au cours de sa vie. Et c'est vrai que c'est un peu un homme des vies parallèles, hein, de toute façon. Hubert Juin disait, Loti est à la fois un goinfre et un gouffre. Et il y a un appétit considérable d'expérience, de démultiplication, de surmultiplication des expériences, et en même temps une angoisse, le gouffre, un retour à quelque chose d'un peu désespéré ou dépressif même. Et voilà, et là aussi on est dans l'ambivalence de Loti. Mais c'est peut-être ça justement la chambre blanche dont je parlais, dans cette maison qu'on ne peut pas encore visiter, qu'on visitera on l'espère de nouveau en 2023, si tout va bien. Cette magnifique maison de Pierre Loti, où l'identité de l'écrivain finalement n'est pas incarnée. Elle est démultipliée dans chacune des salles qui sont autant de fantasmes de Pierre Loti, mais dans la chambre de l'écrivain, il n'y a rien. Oui, certains éléments de la maison ont été en quelque sorte sanctuarisés par lui. Donc certaines, les chambres de sa mère, etc., il n'y avait pas touché. Et à la fois, d'abord, il a acheté des maisons mitoyennes pour pouvoir agrandir ce périmètre domestique. Mais c'est vrai que la chambre est un peu la cellule monacale, est un peu le lieu peut-être du repli sur soi. C'est d'ailleurs un des lieux où il écrivait beaucoup. Et donc l'identité forte du Loti, simple on va dire, est peut-être là. Alors il naît donc à Rochefort-sur-Mer le 14 janvier 1850. C'est le fils de Théodore Viau et de Nadine Texier. Il s'appelle donc, vous l'avez dit, Alain Kellavillager, Julien Viau. Il faut dire d'abord que c'est le troisième enfant. Et puis c'est le petit dernier, parce que sa sœur, l'aînée, Marie, elle est née 19 ans plus tôt. Oui, Loti a deux mères, et peut-être pas de père en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a cette mère qui lui donne la vie très tardivement. C'est un petit Benjamin très tardif. Il y a cette sœur aînée qui est finalement la deuxième mère qui l'éduque, mais aussi tout un ensemble de femmes, de tantes et de grand-mères encore lorsqu'il est enfant. Et donc il vit dans ce monde très très surprotégé par ces femmes qui s'occupent beaucoup de lui et pour lesquelles il est un peu le héros de la maison. Le père est très très absent, très distant, et puis meurt prématurément. Et puis entre les deux, il y a le grand frère qui lui est absent aussi parce qu'il est parti. On peut même se demander s'il n'y a pas un problème de père dans la famille Viau. Oui, alors là, on peut, après, je ne veux pas faire de la psychanalyse de Café du Commerce, mais c'est vrai que la toute-puissance de la mère en tant que femme dominante, de la sœur aînée, mais l'absence du père, qui est un homme attachant, mais visiblement très faible, qui écrivait, qui était très artiste dans l'âme, mais qui est un homme qui est finalement en retrait. Et le père, effectivement, cette absence du père, comme l'absence du frère d'ailleurs, qui est parti comme médecin de marine, peuvent expliquer aussi chez Loti le besoin de présence masculine, en tout cas de se rechercher des épaules, en tout cas sur lesquelles s'appuyer, parce que peut-être il y a un modèle viril qui lui manque. À la génération précédente aussi, il n'y avait pas de père. Non, les pères ont disparu très tôt. Enfin, oui, c'est une famille sans hommes d'une certaine façon. Mmh. Et c'est vrai que dans l'imaginaire. D'ailleurs, quand Loti écrit le roman d'un enfant, il n'y a pas d'homme dedans, quoi. Le père est totalement absent. Et donc, c'est un roman de la mère, et M-E-R-E et M-E-R. Il avait une passion pour sa mère. Il avait une passion et un besoin d'affection. Il allait, dès qu'il avait un petit chagrin, n'importe quoi, vite il se jetait dans les jupes de sa mère et de celle qu'on appelait tante Claire. Et il a eu une éducation, il n'allait même pas à l'école, il y avait des professeurs qui venaient à la maison. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'il était doué pour le piano. Il se minimisait beaucoup dans tout, alors qu'il avait tous les dons. Mais sa grande passion, c'était sa mère. Un amour, mais immense, pour sa mère. Il n'a pas eu une enfance comme les autres enfants, parce qu'on ne le mélangeait pas avec les autres enfants. Il y avait une espèce de rigueur de milieu, de je ne sais pas quoi. Les parents avaient peur qu'il ait affaire à des voyous. Ils l'ont un peu élevé dans un cocon. Un cocon, oui. Ils l'ont protégé. Je suis même étonnée qu'il ait pu sortir de tant de tendresse, de caresse et de protection, et qu'il ait pu aller de l'avant, c'est incroyable. C'est une bonne question que se pose ici la petite fille de Julien Viau, Pierre Loti. Vous vous êtes posé cette même question? C'était l'épouse du petit-fils. Elle nous a quittés l'an passé. Oui, mais elle décrit très justement ce qui est un peu la tradition familiale en même temps. Ce que Loti raconte et ce qu'on raconte depuis, cet attachement extrêmement fort à sa mère. On peut toujours se demander s'il n'a pas reconstruit une affection qui finalement peut-être lui a manqué. Et donc l'amour de cette mère, c'est quand même un récit après coup. Pourtant dans les lettres, on sent bien, on en écoutera peut-être en même temps, tout à l'heure, qu'il y avait une proximité très grande entre la mère et le fils. Entre la mère et le fils, et si vous voulez, il y a une concurrence. Le père était très protecteur par rapport à la sœur aînée qui devait devenir peintre, et lui projetait beaucoup sur Marie, la sœur aînée. La mère de Loti, elle projette beaucoup plus sur l'autre fils, Gustave, qui est le marin médecin de marine, mais qui va sans doute la décevoir et qui meurt prématurément. Et puis il y a ce petit Benjamin tardif qui devient finalement l'objet de toutes ses préoccupations. En même temps, ce Benjamin ne va pas avoir la vie qu'elle aurait voulu qu'il ait. Parce que c'est une femme de la morale, c'est une femme de la religion, c'est une femme d'une culture bourgeoise très très rigoureuse. Et très tôt, évidemment, elle se rend bien compte qu'il ne suit pas le droit chemin qu'elle espérait pour lui. Alors parlons du frère, justement, Gustave, que Pierre Loti, Julien Viau, continuant encore de l'appeler Julien Viau, admire énormément. Oui, ce frère Gustave est un personnage intéressant parce que lui aussi c'est un peu un second père s'il a une seconde mère avec sa sœur aînée, mais c'est un second père fantasque, original. C'est vraiment un vrai romantique, un vrai aventurier, peut-être, et puis qui en tout cas n'est pas dans les codes. Lui aussi il a fui finalement, il est parti. Et lorsqu'il écrit à son jeune frère, ce sont toujours plutôt des lettres pour lui dire fais ce que tu veux, écoute pas tes professeurs. Il est tout de même allé un petit peu au collège, et Julien Viau était quand même assez nul en narration française. Et son frère Gustave lui dit, bon, si t'es 21e sur 22, c'est pas bien grave, écris comme tu le penses. Et donc, lui est vraiment la personnalité qui a sans doute marqué beaucoup Loti. Il meurt malheureusement quand Loti a 15 ans, de fièvre tropicale qu'il avait prise à Saïgon, enfin, en Indochine. Il écrit d'ailleurs dernière lettre qui est assez belle, qu'il envoie à sa famille pour dire qu'il se sent mourir et que probablement, c'est pour lui, c'est la fin. Très chrétienne en même temps. Et ce frère aîné, Gustave avait vécu à Tahiti, et là aussi il précède Loti, et finalement le roman que Loti écrira plus tard, Le mariage de Loti, roman tahitien, est beaucoup un roman sur les traces du frère, à la recherche du frère, la quête éventuellement même d'une descendance du frère sur l'île, sur place. Donc le frère est un personnage, on pourrait presque dire que Loti a peut-être fait ce que son frère n'a pas pu faire. Il va réaliser, parce que le frère rêvait d'écrire aussi, etc. Il était un excellent photographe de Tahiti, Gustave Viau, le premier photographe de Tahiti. Voilà. Alors, le père, il faut creuser encore un petit peu, parce qu'il a une histoire assez triste. L'enfance de Julien Viau a été racontée par Pierre Loti comme étant une enfance choyée, heureuse. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, oui. À cause des histoires qui arrivent au père. Alors, entre autres, ce qui arrive au père, c'est d'être accusé de malversation financière. Il était employé à la mairie de Rochefort et accusé donc de détournement de fonds. Il y a une affaire qui le mène en prison. Il est jugé par la suite non coupable, mais responsable. Non, responsable mais pas coupable. Non coupable parce qu'on n'a pas plus prouvé qu'il avait volé de l'argent ou qu'il l'avait détourné. Pendant 10 années quand même. Oui. Mais responsable parce qu'administrativement, par ses fonctions, il était tenu de rembourser finalement une partie des sommes qui avaient été... qui avait disparu. Donc cette famille, donc il y a évidemment l'opprobre sur le père, la prison, évidemment c'est cet homme déjà effacé qui subit cette humiliation terrible, et qui a subi aussi une régression sociale, parce qu'une déchéance qui le mène à un petit boulot, la pauvreté finalement s'abat sur la famille. Alors Loti évidemment dira plus tard, mais d'autres écrivains ont dit la même chose, Ibsen ou d'autres, voilà, la pauvreté ça a été une excellente école de vie, mais cette pauvreté qui s'abat sur un petit milieu bourgeois, de petite bourgeoisie. Elle est vécue effectivement avec beaucoup de dignité en même temps, mais on comprend que pour Loti, il a aussi le goût pour peut-être pour le luxe, pour évidemment l'extravagance dont vous parliez. Pour, voilà, c'est aussi une façon sans doute de peut-être venger cela, en tout cas de passer outre à cette histoire de pauvreté. Alors on a dit, ce qui est assez beau, que peut-être le père, s'il a volé l'argent, c'était pour financer les études d'art de sa première fille. Oui, mais après, bon, voilà, ce sont des hypothèses. J'aurais tendance à penser que le père n'est pas en cause. En tout cas, il a été blanchi. Les raisons pour lesquelles il aurait pu avoir besoin d'argent pouvaient être effectivement son intérêt majeur pour l'éducation comme peintre de sa fille. Fille qui, malheureusement, d'ailleurs, était excellente peintre, mais qui, par son mariage et sa vie bourgeoise, évidemment, arrêtera toute création par la suite. Et c'est dommage, mais c'est le destin de beaucoup de femmes, de devoir céder aux contraintes de la vie familiale ou conjugale. Et là aussi, elle va avoir un rapport compliqué avec son jeune frère, parce que lui deviendra l'écrivain et excellent dessinateur et photographe, etc. Et elle aura une réussite dans la création qu'elle n'a pas pu, elle, développer. C'était d'un vert obscur, presque noir. Ça semblait instable, perfide, engloutissant. Ça remuait et ça se démenait partout à la fois avec un air de méchanceté sinistre. Au-dessus s'étendait un ciel tout d'une pièce, d'un gris foncé comme un manteau lourd. Très loin seulement, à d'inappréciables profondeurs d'horizon, on apercevait une déchirure. Un jour, entre le ciel et les eaux, une longue fente vide d'une claire pâleur jaune. Pour la reconnaître ainsi, la mer, l'avais-je déjà vue ? Nous restâmes un moment l'un devant l'autre, moi fasciné par elle. Dès cette première entrevue, sans doute, j'avais l'insaisissable pressentiment qu'elle finirait un jour par me prendre, malgré toutes mes hésitations, malgré toutes les volontés qui essaieraient de me retenir. Ce que j'éprouvais en sa présence était non seulement de la frayeur, mais surtout une tristesse sans nom, une impression de solitude désolée, d'abandon, d'exil. Et je repartis en courant, la figure très bouleversée, je pense, et les cheveux tourmentés par le vent, avec une hâte extrême d'arriver auprès de ma mère, de l'embrasser, de me serrer contre elle, de me faire consoler de mille angoisses anticipées, inexpressibles. Lecture par Sarah Chaumette de cet extrait du roman d'un enfant de Pierre Loti. Alors, il faut dire, Alain Guélavillégier, que Rochefort-sur-Mer, ça n'est pas tout à fait sur la mer, et c'est pour cette raison qu'à un moment donné, le jeune enfant, Pierre Loti, Julien Viau, a découvert la mer. Oui, Rochefort est sur mer tout de même un peu, parce que c'est dans l'estuaire, il y a l'effet de la marée, mais l'océan Atlantique, il est à une vingtaine de kilomètres par le fleuve, ou une douzaine de kilomètres à vol d'oiseau. En l'occurrence, la mer, il l'a découvert beaucoup plus, peut-être à Saint-Georges-de-Didonne, près de Royan, et puis la famille aussi allait dans l'île d'Oléron, où elle avait ses attaches. Et donc, cette découverte de la mer, et ce texte d'ailleurs, j'ai presque envie de penser que tout est dit dans ce texte, hein. Il y a énormément de clés, mais ce passage de notamment le fait de l'enfant qui court de la mer MERE à la mer MER, mais la notion d'exil, de tristesse face à ce sentiment qu'elle va le prendre. Alors bien sûr, ce texte est écrit après, évidemment, il y a du ressouvenir, il y a de la construction littéraire, mais enfin, il y a là beaucoup de clés, et le sentiment aussi que la mer va le prendre, parce que Loti va devenir marin, pas tellement pour les bateaux, mais pour la mer. C'est la passion, effectivement, de ces espaces infinis. Loti adore les espaces infinis. Et pourtant, on a l'impression qu'elle n'est pas tellement attirante, ici, la mer. Voilà. Et là aussi, on trouve cette ambivalence un peu curieuse. Hein. Une fascination, parce que il sent bien que c'est le lieu de la liberté et des départs pour aller voir ailleurs, et en même temps, la peur. Après tout, le pêcheur d'Islande se termine par la mort du héros. Et c'est la mer, MER, hein, qui gagne. Oui, c'est tout Loti est là. D'ailleurs, son rapport à la nature est celui-ci, c'est-à-dire une fascination pour tout ce qui est naturel. De ce point de vue-là, il est souvent un peu un défenseur du patrimoine ou des milieux. Il y a une sorte d'écologiste avant l'heure. toute proportion gardée, mais en même temps, la nature est menaçante. C'est elle qui donne un sentiment d'éternité quand on regarde justement la mer. Le temps ne passe pas en quelque sorte, mais en même temps, elle se venge parce que tout de même, la durée est là. Il n'y a pas d'endroit où il se sentira vraiment bien, si ce n'est pas sur la mer, si ce n'est pas à Rochefort, si ce n'est pas en Orient. Oh, c'est une question compliquée. Je crois que Loti n'arrive pas à être heureux. Donc le carpe diem est toujours d'une durée extrêmement courte chez lui, parce que tout de suite il y a le sentiment que voilà, c'était bien, mais la mort est là, la vieillesse approche, le temps passe, et c'est une obsession permanente chez Loti. Je crois que de ce point de vue là il n'arrive pas effectivement à trouver l'équilibre ou la sérénité plutôt qui pourrait lui faire profiter des moments. Mais tout de même, il y a des moments dans son journal intime ou dans ses lettres ou dans les témoignages qu'on a de lui où tout de même il sait profiter un peu du temps présent. Mais c'est évident que Loti va en permanence être dans cette course à l'abîme et ce sentiment que tout ce qui se passe de bien est malgré tout un champ du cygne. Vous dites qu'il est inapte à la sérénité et peut-être que dans les premières années de sa vie, il ne le sait pas encore et qu'il pense que c'est en partant ailleurs qu'il va trouver la sérénité. Est-ce que c'est pour ça qu'il devient aussi marin ? Devenir marin, d'abord à Rochefort, c'est quelque chose qui est une tradition. Il est dans un milieu maritime, donc là, ce n'est pas tout à fait le hasard. Le frère aîné est donc chirurgien de marine. Donc c'était aussi un moyen d'avoir des études payées dans une famille qui venait de connaître la ruine. Bon, il y a donc des raisons un peu rationnelles, mais bien sûr que chez l'enfant qui d'abord avait rêvé d'être missionnaire parce que c'était un moyen de voyager, bon, il a perdu la foi, donc c'est plus la solution. Mais devenir marin, c'est un des moyens, évidemment, de conquérir, de découvrir le monde. Sinon de le conquérir. Alors ça passe par l'école navale d'abord. Oui. Il passe le concours en 1867, il fait bien l'école navale ensuite à Brest. Bah, il fait le parcours d'un gamin anonyme parce que lui est donc d'un milieu très ordinaire et il se confronte là d'ailleurs à des jeunes gens qui sont de milieux sociaux souvent aristocratiques, plus privilégiés. Il est toujours si le pauvre. Lui, il a une posture aristocratique. Oui, mais vous voyez, quand il publie le premier volume de son journal, il s'appelle « Un jeune officier pauvre ». Donc il revient quand même, il insiste beaucoup sur cette idée que là-dedans, il l'a vécu un peu, et il le dit, il l'exprime très bien, entouré de gens qui, eux, avaient des moyens, des libertés financières qu'il n'avait pas. Mais c'est sa revanche sociale ensuite que de gagner l'argent par les écrits et les reportages qu'il va publier. Donc les premiers voyages vraiment importants, ça va être le voyage en Afrique. Il va rester un an au Sénégal, c'est ça ? Les voyages importants, ils le sont sans doute tous et chacun apporte un peu son tribut. L'Afrique noire, c'est évident en 1973-74 que c'est un moment marquant. Mais il y a eu d'abord la rencontre avec la Méditerranée, avec l'islam en Turquie, avec l'Algérie et la première... Le premier moment important en termes de rapport à l'Orient, ils seront en Méditerranée. L'Afrique noire, c'est un cas particulier parce qu'à la fois, d'abord, ils découvrent une Afrique, un peu la terre de Cham, quelque chose. Là aussi, on a dans un rapport ambivalent de fascination pour le soleil, pour le désert, et puis en même temps de terreur pour un monde qui lui paraît extrêmement hostile. Il rencontre évidemment les populations noires. Il est d'ailleurs, il tient des propos qui peuvent aujourd'hui évidemment nous sembler racistes, même si c'est dans la manière de parler du temps. Pour autant, il a une fascination pour les populations qu'il rencontre. Il a souvent un rapport très très ethnographique, même dans sa jeunesse, avec les populations qu'il a rencontrées. De ce point de vue-là, c'est avec l'île de Pâques que le lieu fort doit nous retenir, peut-être le lieu originel où il rencontre l'autre. L'altérité, c'est quand même d'abord l'île de Pâques, me semble-t-il, en 1871. Et l'Afrique, c'est aussi le lieu d'une amitié très forte, sinon amoureuse, avec Joseph Bernard, un autre marin. C'est le lieu surtout d'une histoire d'amour très forte avec une femme dont il a un enfant, une histoire que tout va interdire, une genevoise. Bon, donc il y a des drames sentimentaux très forts qui vont donner par la suite un roman qui s'appelle Le roman d'un spahi. Donc, sur la question du colonialisme, il a cette phrase « Ces colonies n'ont pas d'avenir » qui date à peu près de cette époque-là. Comment est-ce qu'on peut la comprendre, cette phrase ? On peut la comprendre de plusieurs façons. Je crois que, d'abord, on a souvent présenté l'œuvre de Loti comme l'œuvre d'un colonialiste. Ça vous semble juste ou ça ? Pour moi, c'est faux, parce qu'en tant qu'historien, je réfute cette lecture-là. Parce que, d'abord, il y a deux romans dans l'œuvre de Loti qui se passent dans le monde colonial. Celui-ci, le roman d'un spahi au Sénégal, et puis le mariage de Loti à Tahiti. À aucun moment, Loti n'encense l'œuvre colonialiste de la France, et ses propos sont généralement plutôt d'une tonalité anticolonialiste. En même temps, c'est pas pour des raisons, c'est pas un homme de gauche, c'est pas un marxiste, c'est pas pour des raisons très très idéologiques, c'est peut-être plus esthétique qu'autre chose. Et puis surtout, Loti a le sentiment de la richesse des civilisations et qu'elles sont en train de disparaître, que ce soit sur l'île de Pâques, que ce soit en Indochine ou ailleurs. La guerre de conquête coloniale, il ne l'accepte pas. Mmh. Il conçoit la guerre comme pouvoir défendre un territoire national. L'Alsace-Lorraine, on peut y faire tuer des gens s'il faut pour la récupérer, mais aller envoyer des marins bretons se faire tuer en Indochine, ça, il ne l'accepte pas. En fait, il n'aime pas l'impureté de manière générale, et donc il n'aime pas que des Occidentaux viennent modifier des pays qu'ils trouvent finalement plus beaux comme ils sont. Oui, il y a cette idée, c'est dans Madame Chrysanthème, qui dit gentiment que bon, un jour, ce sera plus tout drôle de voyager parce que le monde sera identique partout. Donc il y a une posture là très aristocratique ou très esthétique de pouvoir voyager parce que c'est un peu comme une diversité et pouvoir aller vers de l'altérité. Mais en même temps, ce sentiment qui est l'obsession de Loti dans son rapport à la mort, y compris à la mort des civilisations. Il a souvent le sentiment qu'il arrive quand on éteint les lumières, comme disait Morand, c'est-à-dire que voilà, l'île de Pâques sont les derniers survivants d'une civilisation qui agonie, en Terre de Feu, en Patagonie, même sentiment, à Tahiti, d'ailleurs Victor Segalen l'avait très bien compris, ça, que le mariage de Loti était un roman sur un monde qui meurt, qui se meurt. Et alors cet enfant illégitime, Alain Kélavi-Léger, il va être très important par la suite ou est-ce qu'il ne le reverra jamais finalement? Si, il l'a revu. Alors, Loti a supprimé, enfin déchiré certains feuillets de son journal intime. Tous les éléments qui pouvaient attester de cette histoire-là ont été manifestement détruits. Mais il y a quand même quelques traces qui ont subsisté malgré lui. Et on sait qu'il est allé le voir à Genève. On pense que la jeune femme était d'ailleurs d'un milieu assez aristocratique dans les beaux quartiers de Genève. Évidemment, c'est une histoire scandaleuse. Elle était sans doute mariée. En tout cas, l'enfant a existé. Il l'a revu deux ou trois fois. Et puis un jour, on lui a interdit évidemment d'y mettre les pieds. Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Alors l'Afrique, tout comme la Méditerranée, tout comme l'Orient, l'Empire ottoman, ce sont pour Loti des pays de la sensualité. Il faut peut-être dire un mot à Alain Kélavi-Léger, vous l'avez déjà esquissé, et on le comprend en vous écoutant, de la sexualité, disons, polymorphe de Pierre Loti, qui va être très amoureux de femmes et aussi d'hommes. Que peut-on en dire ? Ce qu'on peut en dire, c'est il y a ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Ce que nous savons, c'est la présence des femmes, ce sont les enfants, légitimes ou illégitimes. Il installe même une deuxième famille à Rochefort, donc il est, on va dire, quasiment bigame. Loti est quelque part peut-être assez érotomane. L'amour est une condition permanente de sa vie, de ses désirs. La présence des hommes, on peut la deviner par des recoupements, par des allusions. Elle n'est pas revendiquée. Mais enfin, si on lit bien Aziadé, si on lit bien Mon frère Yves, on sent bien qu'il se passe quelque chose. Dans son journal intime que nous avons publié avec Bruno Versier, que vous recevrez demain, il y a quand même régulièrement des passages où on se dit, tiens, là, il se passe quelque chose qui n'est pas, qui ne relève peut-être pas du féminin. Mais voilà, je crois que quelqu'un, enfin, Leslie Blind, je disais, s'il y avait eu trois sexes, Loti aurait aimé les trois sexes. Il y a une obsession d'amour chez Loti. Alors, il peut aimer les femmes qui sont aussi bien des gitanes que des princesses, aussi bien des prostituées que des altesses, des françaises, mais aussi n'importe quelle nationalité. Enfin, il y a un goût de la diversité et puis même une recherche finalement dans l'amour des opposés. Oui, mais je crois que, enfin, on s'est beaucoup moqué de Loti en disant qu'il aimait les petites sauvages jeunes parce que justement elles n'avaient pas son niveau intellectuel qui pouvait les dominer, etc. Les femmes brillantes ne manquent pas dans son entourage et dans les histoires d'amour de Loti. Donc les femmes sont partout présentes. C'est un marin. Il y a une femme dans chaque port, plutôt beaucoup dans chaque port. Il fréquente les milieux de la prostitution. Enfin bon, il y a de toute façon chez une permanence comme ça de d'un besoin de satisfaction sexuelle jamais assouvi. Ça relève du côté goinfre dont je parlais tout à l'heure, de la volonté de démultiplier les expériences. C'est clair que Loti est en permanence à la poursuite alors de l'amour, bien sûr, physique, mais sans doute aussi de l'amour sentiment et aussi du besoin d'être aimé. Il y a toujours un manque chez Loti. Voilà. Mais celui qu'il aime le plus, c'est peut-être lui-même. Enfin, vous le sous-entendez en tous les cas dans votre biographie. Je ne sais pas si je le sous-entends de façon si explicite. Je crois que il s'aime, mais je pense qu'il se déçoit. C'est-à-dire qu'il aimerait être quelqu'un d'autre quand même. Ce n'est pas une autosatisfaction qui serait justement qui le récompenserait de ce qu'il est. Je crois que Loti est à la recherche, justement, déjà en prenant un pseudonyme, parce que Julien Viau ne peut pas lui suffire, parce que Julien même, comme prénom par exemple, ne lui plaît pas. Donc il y a énormément d'insatisfactions qui font qu'il est sans cesse en train d'essayer de se construire un personnage qui lui plaise. Il veut devenir une fleur, parce que Loti, c'est un mot qui signifie... Oui, le roti, c'est en fait un L qui serait un R roulé en tahitien. Et donc, si on voulait être plus près de la prononciation tahitienne, il aurait fallu presque mettre un R. Alors, roti, c'est pas génial pour faire un pseudonyme. Mais c'est le nom d'un laurier rose ou de la rose en tahitien. Le personnage, il y a un côté fleur, mais il ne se... Vous voyez, quand il se regarde dans le miroir, soit il se déçoit en se disant qu'il n'est pas assez musclé, parce qu'il a envie d'une virilité plus importante. Et puis, en même temps, il se trouve jeune, il se trouve beau, il se farde, etc. Et donc il y a des moments comme ça d'autocomplaisance. Le personnage est dans ses mouvements perpétuels. Il fait de la gymnastique ou il participe à des activités dans un cirque étant plus jeune. Il y a une obsession de la beauté physique chez lui. Je vis entrer Loti. Il n'avait revêtu aucune de ces dévroques dont les journaux relatant ses bals costumés à Rochefort ou à Andaille étaient pleins. Paul Morand. Il ne m'a paru ni en Louis XI, ni en robe de soie chinoise, ni en pareo, ni coiffé d'un fez. Il avait un complet 1900 avec col, manchette en pesée, une cravate de chez Charvet, des talons hauts comme des socs. Je ne remarquais pas qu'il fût fardé, bien que Louis de Robert ait écrit « Il croyait que ça ne se voyait pas, mais ça se voyait terriblement ». Loti parlait sec, en phrases courtes, sans rien de ce que le journal de Gide a nommé la grâce détendue et retombée de Loti. Cette archive de l'écrivain Paul Morand qui avait été diffusée en 2009 dans le Une vie, une œuvre consacrée à Pierre Loti de Françoise Esteb. C'est vrai qu'on se moquait beaucoup de Pierre Loti. Bon, alors Paul Morand se moquait peut-être beaucoup en général de tout le monde, mais il n'est pas le seul à rire un petit peu de la mise de Pierre Loti, par exemple. Non, ça commence très tôt et je crois que le fait que Loti accède à l'Académie française l'a mis énormément devant de la scène, mais les frères Goncourt, enfin les proches, enfin les milieux journalistiques, etc., ne lui ont pas fait de cadeau. Les chanteurs et dans les cabarets, etc., ont beaucoup brodé sur lui. Le personnage s'y prête, je dirais pas de bonne volonté, je pense qu'il en a souffert. Il en a souffert beaucoup. Oui, enfin, il semble s'en plaindre souvent. Souffert, je sais pas, mais il s'en plaint. Mais en même temps, il fait pas grand chose pour l'éviter, parce que le personnage, effectivement, s'expose volontiers. Loti c'est peut-être son côté authentique ou sauvage. Bon, il a pas toujours le souci de qu'en dira-t-on, mais en même temps, il a le souci du déguisement, il a le goût des fêtes, des mises en scène. Il est capable d'arriver justement en marin pour aller, en jeune matelot, pour aller à une pièce de théâtre de Sarah Bernhardt. Enfin, donc, il se donne une visibilité fantasque. Il est capable aussi d'aller dans un salon extrêmement mondain, mais le soir même, on le retrouve sur les barrières à Paris, faire la fête avec des matelots et des ivrognes. Bon, le personnage est dans ses multiplications-là. C'est évident qu'il prête facilement le flanc à la moquerie. Mais ça prouve aussi qu'il y a chez lui une forme de liberté, parce que il n'est pas bourgeois, il n'aime pas par exemple la bourgeoisie en tant que telle, c'est même quelque chose qu'il juge trop étriqué, et il va préférer, alors que ce soit en France mais au cours de ses voyages, frayer finalement dans des lieux qui lui semblent plus authentiques que les salons ou les endroits un peu trop balisés. C'est l'homme de la transgression. La bourgeoisie ne l'aime pas parce qu'elle est codée, parce qu'elle est effectivement rigide, même s'il en a la culture malgré tout. Mais lorsqu'il est, que ce soit à Paris ou lorsqu'il est en voyage, le port des costumes étrangers pour jouer un peu de l'insertion, de l'intégration, pour de la dissimulation, pour aller aussi au contact. Finalement, c'est presque une méthode d'ethnologue, mais d'aller fréquenter des milieux sociaux qui ne sont pas les siens. Il y a une volonté de multiplier justement les expériences, et ça passe aussi par l'accès à des groupes sociaux qui ne sont pas les siens. Et à chaque fois, il est à l'aise, parce que Loti est très à l'aise avec la princesse Alice de Monaco, mais comme il est à l'aise avec les gens des milieux les plus ordinaires, les plus modestes, avec les marins, bien sûr, mais avec les milieux paysans ou tout autre, Loti a une grande capacité d'empathie finalement avec les milieux qu'il fréquente. Alors il y a ces fêtes qui sont célèbres parce qu'il y a des grandes photos où on voit les Rochefortais et puis des amis, des connaissances qu'il faisait venir aussi de Paris déguisés dans ces fêtes Renaissance ou ces fêtes arabes. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ces fêtes, elles ont fait un peu la célébrité de Loti. Elles ont défrayé la chronique à l'époque parce que même des journalistes venaient y assister. Donc il y a chez Loti, ce sont des grands happenings, ce sont des grandes mises en scène. Parfois c'est l'arbre qui cache la forêt, parce qu'en réalité, mais tout il y a régulièrement dans sa maison des concerts, enfin une ambiance comme ça de musique ou de grand dîner, etc. Même si lui n'est pas un gastronome ni l'homme, il passe pas sa vie à table du tout, mais il aime recevoir. Et les grandes fêtes, que ce soit des fêtes arabes, fêtes bien sûr la fête Louis XI que vous évoquiez, la fête médiévale, toutes ces, une fête chinoise, etc., sont des grands moments de peut-être de revanche sociale d'ailleurs par rapport à la société rochefortaise qui avait humilié son père. Et puis son besoin à lui de peut-être d'aristocratiser justement ce qu'il y a trop bourgeois dans sa vie quotidienne, ce sont des dépassements. À la fois, il a envie de vivre des vies à l'étranger, puis aussi des vies dans le passé. La fête médiévale, son obsession, dans son journal, on le voit bien, c'est d'essayer de se transporter finalement au Moyen-Âge et d'avoir le sentiment d'être un seigneur toujours du temps. Toujours de vivre une vie différente. Et voilà. Et donc, il y a toujours un rapport à l'antériorité, une recherche. Loti est en permanence obsédé par le passé, mais pas forcément le sien. Hein, les passés les plus antédiluviens éventuellement, et même d'avant l'homme, quoi. Et donc, c'est ce rapport au temps presque immobile, mais qui dépasserait l'humanité, qui est flagrant, évidemment, dans sa vie. Alors, il aime bien les animaux. Il a des chats, il aime bien les animer, les déguiser aussi, les habiller. Et il n'aimait pas les chiens. Les chats sont amis des écrivains, c'est notoire. Non, Loti, oui, oh, il leur met des petits nœuds, etc. Il y a surtout même des momies de chats chez lui. Mais là aussi, dans son rapport au temps, ce qui est intéressant, c'est que lorsque les chats meurent, il en prend un nouveau, mais il leur donne tous le même nom. Mm-hmm. Hein, donc il y a une permanence, c'est toujours Moumoute, et où il y a la Moumoute chinoise, ou etc., mais ils ont tous le même nom. Il y a toujours le chat. Tous les soirs, avant de me coucher, j'écris au crayon ce que je veux retenir de ma journée. Sans cela, le lendemain, l'impression serait effacée. Bien que j'aie à Rochefort un cabinet de travail meublé avec tout le confort désirable, c'est presque toujours sur un coin de table de ma cabine de bord que je compose. C'est même à cette façon de procéder qu'est due ma vocation littéraire et l'apparition de ma première œuvre. J'écrivais chaque jour des notes, des souvenirs sur mes différents voyages. J'en lus des fragments à des amis. Ils jugèrent qu'il y aurait intérêt à les publier, je les laissais faire. Et ainsi naquit Asiade, mon premier roman, qui n'était autre qu'un récit extrait de ses mémoires éclos au hasard de la plume, au jour le jour. Des œuvres sur France Culture avec cet extrait lu par François Chaumette d'un des journaux de Loti. Tenir son journal, pour lui, c'est extrêmement important. Et c'est à partir de ce journal qu'il va écrire son premier roman, Asiade, Alain Kelavi-Léger. C'est presque finalement des prélèvements de son journal. Oui, encore que pour la période qui correspond à Ziadé, justement, les pages du journal intime manquent aujourd'hui. Et on sait donc, bon, ce qui, on peut pas tout à fait analyser le passage. En tout cas, la forme est celle mais il se sert, voilà, du journal. C'est un journal, c'est un roman écrit à bien des égards comme un journal, avec une énorme segmentation. Roland Barthes avait jugé que c'est un peu l'ancêtre du nouveau roman, parce que le Asiadé, qui d'ailleurs n'a pas eu de succès quand ça a paru, était un roman pas du tout bien fait comme un roman devait l'être à la fin du 19e siècle. Donc c'est un bouquin assez atypique de ce point de vue-là. Mais avec la des question de correspondance aussi. Voilà, il y a une dimension effectivement épistolaire, et puis beaucoup de petites scénettes finalement, et finalement une grande fragmentation. C'est très désordonné, mais c'est ce qui fait la beauté aujourd'hui, la richesse de ce bouquin-là. Mais l'importance du journal, oui, dès l'âge de 14-15 ans, il commence à prendre des notes, qu'il écrit souvent déjà au passé d'ailleurs, comme si ce qui s'est passé la veille était déjà d'une antériorité beaucoup plus lointaine, donc un rapport très, très élastique comme ça au temps. Et puis, il tient ce journal jusqu'en 1918, quotidiennement, presque quotidiennement. On l'a donc maintenant publié intégralement, enfin ce qui en subsistait jusqu'à aujourd'hui, mais c'est d'une belle richesse. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir que dans le journal, dans une écriture directe, enfin spontanée, on a déjà toutes les qualités littéraires de Loti, qui nous laissent en penser justement que le passage journal au roman ne fait pas toujours l'objet d'un énorme travail, en tout cas pour les récits de voyage. Bien sûr que dans Pêcheur d'Islande, Ramucho, là où il essaie de faire des romans comme on doit les faire, il y a un plus gros travail de construction, de scénario, d'écriture. Donc en gros, vous nous dites aussi que c'est par le journal qu'il entre en littérature, et presque un petit peu par hasard. Il n'a pas pour projet d'écrire Asiadé. Asiadé s'impose à lui. Il entre en littérature, c'est pas par hasard, c'est par nécessité. C'est en écrivant des reportages, en fait. Ses premiers écrits, mais ils viennent du journal. Sur les textes qu'il a consacrés, par exemple, à l'île de Pâques, il tient d'abord un journal de bord, un journal, et il écrit, il fait des dessins surtout sur place, et il envoie ses dessins à la presse pour pouvoir gagner de l'argent et rembourser des dettes de sa famille. Et il envoie les textes à sa sœur en lui disant, bon, essaie de faire quelques lignes pour illustrer des dessins, débrouille-toi avec ça, j'envoie tout. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir qu'au début, il ne prend pas au sérieux sa qualité d'écriture. Et même pour le roman Asiadé, où ce sont des amis à lui qui vont s'occuper de le placer chez des éditeurs parisiens, lui s'en occupe pas. Il raisonne donc pas avec un avenir d'écrivain. Je pense qu'il se pense d'abord comme peut-être pouvant gagner quelques sous avec son talent de dessinateur, et un vrai talent. Et c'est peut-être ça qui a fait que Barthes a beaucoup aimé, comme vous le disiez Alain Kelavi-Léger, ce roman-là. Il disait, l'histoire de ce livre, c'est un homme aime une femme, il doit la quitter, ils en meurent tous les deux. Autrement dit, il n'y a quasiment pas d'histoire dans Asiadé. C'est la force sans doute et la beauté de certains des romans de Loti. C'est vrai dans Asiadé, c'est vrai aussi dans Madame Chrysanthème, mais ce sont un peu des romans sans histoire, effectivement. Ce sont des séquences, il n'y a pas tout à fait un début et une fin. Loti a d'ailleurs se reconnaissait pas du tout comme un romancier, et lorsqu'il écrit Pêcheur d'Islande ou Ramucho, on sait qu'il se force, qu'il se donne une contrainte qui ne lui plaît pas. Ce qu'il n'y a pas dans le roman, dans les récits de voyage, où là il peut écrire au jour le jour. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il ne déconstruise pas les itinéraires, et il y a quand même un travail littéraire parfois de scénario par rapport au véritable itinéraire du voyage. Mais Loti est quand même un homme de la liberté d'écriture. Alors on racontera demain davantage le parcours de l'œuvre avec Bruno Versier. On peut dire quand même, puisqu'on parle avec vous d'Asiadé, ce premier livre, que c'est Pierre Loti qui est le personnage de ce livre-là. Il y a toujours une frontière très floue entre l'auteur et le personnage. Bah d'abord parce que l'auteur au début n'existe pas. Il n'y a pas de nom d'auteur sur les livres. Donc Asiadé s'est publié sans nom d'auteur. Et donc dans Asiadé, le héros s'appelle Loti. Comme dans Le mariage de Loti, le héros s'appellera Loti. Parce que pour l'instant, Loti c'est un personnage. Voilà. Et puis un peu plus tard, apparaît l'auteur avec un prénom, Pierre Loti. Ce qui crée effectivement une confusion qui peut embarrasser le lecteur en disant mais bon, il est narrateur et c'est de l'autofiction, c'est un roman, voilà. Bon. Alors il va falloir raconter un petit peu les mariages de Pierre Loti, parce qu'il y en a plusieurs, des vrais, des faux. On va commencer par le vrai, qui a lieu en 1886, voilà. Il se marie, mais c'est un peu un mariage de convenance, c'est son côté bourgeois, mais il se marie, il a 36 ans, donc il a tout de même pris le temps, et c'est un mariage arrangé. On lui a trouvé une jeune femme, une épouse bordelaise de l'aristocratie protestante, donc c'est un mariage de convenance à bien des égards. le mariage étant pour lui la nécessité pour avoir une descendance légitime. Parce qu'en fait, son souci, c'est ça. Blanche Franc-de-Ferrière lui donnera l'enfant dont il avait... L'enfant unique, il y a eu un premier enfant qui est mort rapidement. Ce fils unique dont Loti avait besoin, en quelque sorte. Parce que là aussi, c'est son rapport au temps et à la mort. C'est avoir une descendance lui semblait absolument une nécessité. Mais comme il ne fait pas confiance à la qualité de génitrice de son épouse, il va avoir envie d'autres enfants beaucoup plus... de meilleure qualité, en quelque sorte. Des Basques, parce que voilà. Ça, c'est bien. Et là, on arrive basque. À l'épisode basque où, effectivement, il recherche une jeune femme capable de lui donner de beaux et bons enfants, solides, et donc une vision très, très, très, très bizarre, très raciste, peut-être, de ce que peut être une descendance. Et pour ce faire, ne pouvant épouser, évidemment, être bigame légalement, cette jeune femme, bon, il l'installe à Rochefort, il installe la demeure, et d'elle, il a plusieurs enfants, qu'il ne peut pas évidemment reconnaître, mais qu'il, bien sûr, il prend en charge complètement. Et donc, voilà, Loti se retrouve à la tête, comme ça, de plusieurs garçons qui sont ses fils, et qu'ils se rencontreront en 1917, donc beaucoup plus tard, sans compter le fils qui existait avec la jeune voisine, dont on ne sait pas ce qu'il est devenu, et peut-être beaucoup d'autres. Heureusement, il n'y a pas eu d'enfant avec le mariage éphémère raconté dans le roman Madame Chrysanthème, qui se passe dans Madame celui-là Chrysanthème, au Japon. C'est un mariage comme il s'en pratiquait, c'est une forme de prostitution légale, un mariage comme il s'en pratiquait dans le port de Nagasaki avec les marins étrangers, avec un contrat, avec une durée légale. Donc, de quelques mois, semaines, en l'occurrence. Voilà. Mais en même temps, c'est dans la logique de Loti, non seulement d'avoir une épouse sur place, mais il s'agit donc pas là d'une relation amoureuse ou de désir, mais de vivre l'expérience japonaise par l'intérieur, par une vie domestique. C'est intéressant parce que c'est pour lui le meilleur moyen, en pratiquant un peu la langue, en vivant avec quelqu'un, d'être à l'intérieur des choses et d'essayer de les comprendre, même si d'une certaine façon il n'a pas compris grand chose au Japon. Alors on va écouter un extrait de Madame Chrysanthème, roman où il raconte justement cet épisode de mariage avec une certaine Okane-san. La nuit est venue, la nuit close, il a fallu allumer les lampes. Il est 10 heures quand tout est réglé, fini, quand Monsieur Kangourou vient me dire « C'est entendu, monsieur, ses parents vous la donnent pour 20 piastres par mois, au même prix que Mademoiselle Jasmin. » Alors l'ennui me prend pour tout de bon de m'être décidé si vite, de m'être lié, même passagèrement, à cette petite créature, et d'habiter avec elle cette case isolée. Nous rentrons. Elle est au milieu du cercle, assise. On lui a mis un piquet de fleurs dans les cheveux. Vraiment, son regard a une expression. Elle a presque un air de pensée, celle-ci. Yves s'étonne de son maintien modeste, de ses petites mines timides de jeune fille que l'on marie. Il n'imaginait rien de pareil pour un tel mariage, moi non plus, je l'avoue. « Oh, mais c'est qu'elle est très gentille, dit-il, très gentille, frère, vous pouvez me croire. » Ces gens, ces mœurs, cette scène le confondent, il n'en revient pas de tout cela. Oh, par exemple, et l'idée d'en écrire une longue lettre à sa femme, à Toulven, le divertit beaucoup. Nous nous donnons la main, Chrysanthème et moi. Yves aussi s'avance pour toucher sa petite patte fine. Du reste, si je l'épouse, il en est bien cause. Je ne l'aurais pas remarqué sans lui, qui m'a affirmé qu'elle était jolie. Qui sait comment cela va tourner, ce ménage? Est-ce une femme ou une poupée? Dans quelques jours, je le découvrirai peut-être. Une lecture par Sarah Chaumette. Que vous inspire-t-elle, Alain Kelavi-Léger ? D'une certaine façon, Madame Chrysanthème est un très beau roman sur la ville de Nagasaki. Loti donne des descriptions de paysages qui sont remarquables, les temples bouddhistes ou shintoïstes. Il y a une très belle compréhension des lieux, mais pas forcément des personnes. Et lorsqu'il revient, on est là en 1885, mais lorsqu'il revient une quinzaine d'années plus tard, on voit dans son journal et dans d'autres textes qu'il va avoir plus d'empathie pour le Japon. Mais d'une certaine façon, en 1885, il est resté à la surface un peu esthétique, le côté potiche des femmes et le côté maniérisme du Japon. Il n'a pas été fasciné par le japonisme, mais pourtant, chez lui, il construit une salle, une pagode japonaise. Donc le Japon l'a intrigué, comme la Chine d'ailleurs plus tard, où il le reconnaît des civilisations très brillantes, très puissantes, mais en même temps, il sait, il le reconnaît lui-même, qu'il n'a pas compris. Est-ce qu'il comprend mieux le Maroc lors de son voyage à Tanger, quelques années plus tard ? Alors pour le Maroc, c'est encore... D'abord, c'est le rapport de Loti au monde musulman et au monde arabe. Là, c'est clair que Loti dit lui-même se sentir l'âme à moitié arabe. Donc, il a une empathie a priori. Hein, déjà, il s'y reconnaît. En tout cas, c'est le sentiment qu'il a. Il n'est pas sûr qu'il ait toujours tout bien compris non plus, mais il y trouve énormément d'identité et puis de charme. Le voyage au Maroc est un voyage officiel. Il participe à une mission du diplomate français qui va présenter ses lettres de créance au sultan. Et c'est un texte intéressant parce que le diplomate, Jules Patenôtre, attendait que Loti raconte cette ambassade, ce voyage, de façon très officielle et de façon très coloniale ou colonialiste. Et Loti, finalement, fait un récit de voyage où il ne parle pas du tout de l'aspect politique des choses, où il dit tout de suite au départ, d'ailleurs, dès la préface, ce que j'en pense serait complètement en rebours de ce que vous attendez de moi. Et finalement, il décrit un Maroc sans les Français, comme plus tard, il va décrire l'Inde sans les Anglais. Voilà. Et c'est un très beau récit de voyage. Il n'aime pas du tout les Anglais, hein, il faut quand même le préciser. Non, mais ça, c'est un marin français, c'est une vieille tradition depuis Napoléon Ier. Alors, la dernière étape, finalement, de tous les voyages de Loti, ça va être le Pays Basque. D'où vient son plaisir, finalement, à s'installer, alors qu'au départ, il n'a pas très envie d'aller dans le Pays Basque. C'est une affectation. Hein. Oui, l'affectation, il a voulu, ça lui permettait d'avoir un poste un peu confortable sur un petit navire qui gérait le fleuve Bidassoa à la frontière franco-espagnole et qui lui laisserait du temps pour écrire. Mais c'est vrai qu'il se retrouve à Hendaye, donc par le hasard de cette nomination, et qu'il y va avec le sentiment qu'il va s'y ennuyer beaucoup et les premières impressions sont plutôt tristes il et négatives. Il voit le petit bateau, voilà. Il trouve ça très triste a priori. L'endroit paraît un peu sinistre au premier abord. En fait, c'est une seconde jeunesse pour lui. C'est clair que Loti a été un grand amoureux du Pays Basque jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à y mourir d'ailleurs. Et voilà, jusqu'à avoir une épouse basque, juste épouse entre guillemets. Et Loti y a découvert la pelote basque, la contrebande. Il y a vécu énormément. Il a acheté une maison et d'une certaine façon, il a abandonné la Bretagne, etc. Et il n'aimait pas Paris. Le Pays basque, incontestablement, aura été un lieu de ressourcement très important pour lui. Mais c'est quand même sur l'île d'Oléron qu'il va être enterré. Oui, mais là, c'est le retour aux ancêtres et aux origines protestantes. Il avait pu racheter la maison de ses ancêtres qui avaient été perdus au moment des ruines familiales, et ce qu'il appelle la maison des aïeuls. Et donc, un peu avant la fin de sa vie, il a demandé à être inhumé à l'intérieur, dans le jardin de cette maison. Il a fait les demandes légales pour cela et il souhaitait avoir une tombe un peu tranquille, mais peut-être c'était une façon d'avoir une île entière pour tombe. Et il a oublié, ce faisant, les voyages, ou plutôt ces voyages l'ont toujours accompagné. On peut peut-être dire un mot de cet épisode important du Tonkin, parce que ça nous dit beaucoup de choses sur son rapport justement avec le colonialisme. Il a vraiment détesté la manière dont les Français ont commis des faits de guerre atroces dans cette région. Oui, en 1883, il écrit 3 articles pour le journal Le Figaro, qui sont des reportages sur le débarquement, sur la guerre coloniale à Hué, et qui font scandale hein, dans la presse française et étrangère. Ce qu'il décrit n'est pas une prise de position politique, d'abord en tant que marin. Il a un devoir de réserve. Les 2 premiers articles sur 3, d'ailleurs, ne sont pas signés. Mais ce qu'il décrit donc une sorte de neutralité, la brutalité, la violence de ces combats. Et certains vont dire, Loti a été un peu l'idiot utile qui sert finalement l'action coloniale, etc. Alors qu'en réalité, il dénonce cette expédition. Il va s'en suivre des problèmes pour le cabinet de Jules Ferry. Lui-même, Loti va être rapatrié par mesure disciplinaire, va être amené en France, puis ensuite, on passera l'éponge, mais les textes qu'il a écrits sur ce débarquement, sur cette guerre, sur la violence, très naturaliste, hein, très, là on n'est pas dans du côté sucré de certaines œuvres de Loti. Et pourtant il n'aimait pas le naturalisme. Non, mais un roman comme Mon frère Yves, par exemple, est très naturaliste aussi. Il l'a parfois fait sans le savoir. Et le reportage, effectivement, sur la guerre au Tonkin en 1883 sont très intéressants. Mm-hmm. Est-ce qu'il en sera question dans les obsèques nationales de Pierre Loti, ou est-ce que ça, c'est une partie de sa vie qui est complètement oubliée au moment où il meurt? Oh, c'est très oublié. Les obsèques nationales en 1923, elles tiennent beaucoup au fait qu'il s'est engagé pendant la guerre 14-18, qu'il a repris du combat alors qu'il était à la retraite. Ça tient aussi à ses appuis politiques, à Louis Barthou, à Raymond Poincaré. Ce sont des académiciens français. Bon, ça tient à sa gloire, hein, tout simplement. Loti est un homme très lu, très très célébré, et sa mort fait évidemment la une de toute la presse mondiale. Merci beaucoup Alain Kella-Villégé. Nous n'avons pas le temps de tout raconter de la vie de Pierre Loti, mais on peut y remédier en lisant votre biographie parue cette année aux éditions Kalman-Lévy, cette année et puis même ce mois-ci. Tout de suite, on va voir ce qui se passe du côté des revues et magazines. C'est le moment d'En compagnie des revues. Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Avec une chronique proposée aujourd'hui par Guillaume Périlou, critique littéraire au magazine Têtu. Bonjour Guillaume. Bonjour Mathieu. Vous avez consacré dans Têtu un article au journal intégral de Julien Green, écrivain homosexuel qui avait lui-même censuré plus de la moitié de son journal avant sa première parution, c'était en 1938. Oui, on peut facilement comprendre à la lecture de ce pavé de près de 1400 pages pourquoi tant d'entre elles furent à l'époque effacées. Un journal caviardé qui s'étend pour ce premier volume de 1919 à 1940 et qui n'avait jamais été complété non plus après sa mort par son exécuteur testamentaire, l'écrivain Éric Jourdan. Il avait maintenu en fait la censure de cet ouvrage dont l'intérêt principal réside pourtant dans la description physique, érotique, si ce n'est pornographique des activités sexuelles de l'écrivain. Julien Green était d'abord, rappelons-le, l'un des auteurs les plus respectés du XXe siècle, né en 1900 à Paris de parents américains, couvert d'honneur jusqu'à son élection à l'Académie française et son entrée dans la Pléiade de son vivant. Il était un écrivain catholique, bien qu'il récusait ce terme, dont la foi inébranlable irradia l'œuvre et inspira de très nombreux fidèles. Alors, sans doute, certains sont-ils aujourd'hui surpris. Ce journal n'est pas tant le récit de son amour de la Vierge que des garçons qu'il rencontrait. Attardons-nous sur l'année 1933. Un exemple, en ce mercredi 30 août, Green écrit « Mes désirs ne m'ont presque pas laissé de repos. Il y a quelques jours, l'idée de coucher avec des garçons me semblait presque répugnante, crise de dégoût, comme j'en connais deux ou trois fois par an, et tout à coup, je suis tombé dans une espèce de rêve érotique. J'ai revu le laitier de la rue de Passy. Il était seul dans sa boutique, assis à son comptoir, l'air ennuyé et rêveur par une chaleur accablante. Il a un peu grossi, mais tel qu'il était, je l'ai violemment désiré, imaginant avec un plaisir douloureux ce que je ferais. » Alors on l'entend, la description de ces amours charnels n'est jamais tout à fait étrangère, Guillaume, à l'idée d'une culpabilité tenace. Oui, d'abord parce que le sexe était devenu chez l'écrivain une addiction face à laquelle il tentait de s'imposer la chasteté. Et puis, bien sûr aussi parce que la morale chrétienne entrait en contradiction avec ses désirs qu'il qualifiait de vice. Le vice qui commence, disait-il, où finit la beauté. Une schizophrénie douloureuse dont il n'est pas le seul, visiblement, à souffrir, puisque ce livre est aussi le témoignage de tout un pan de la vie littéraire des années folles et de l'avant-guerre. On lit ses amitiés avec d'autres écrivains et ce même mouvement de balancier entre vice et vertu qu'on lit chez François Mauriac ou chez le philosophe Jacques Maritain, futur ambassadeur de France au Vatican. Tous deux semblent réprimer leur désir homosexuel. D'autres sont bien plus enclins à en parler librement en privé. C'est le cas de son ami André Gide, qu'il admire autant qu'il se plaît à le critiquer. André Gide aussi tragiquement attiré par des mineurs, et cela rend la lecture de certaines pages particulièrement dérangeante. Des désirs pédophiles que l'on retrouve aussi, selon Green, chez Henri de Monterland ou Klaussmann. Alors il y a dans certaines pages, dont même des centaines d'entre elles, l'évocation d'un amour, un grand amour fidèle, c'est celui que portait Julien Green au journaliste Robert de Saint-Jean. Oui, un amour libre et fidèle, plus fort que les autres, raconté avec autant d'exaltation que de quiétude. Prenons le 9 octobre 1933, Green écrit « À 11h dans mon bureau, ciel gris, Bobby, c'est ainsi qu'il l'appelait parfois, prépare ses conférences d'Amérique, Robert, je t'aime. » Ces derniers mots ne sont pas soulignés mais carrément encadrés par Julien Green. Le compagnon de sa vie avait lui aussi écrit quelques romans et se lamentait d'ailleurs de ne pas en avoir écrit autant que le grand auteur aussi. Julien s'efforçait de rassurer Robert. « Sans ta présence, assure Green, peut-être n'aurais-je pas écrit un seul livre. » Il est étonnant dans ce journal de constater aussi la quasi-absence de commentaires politiques ou de commentaires sur la marche du monde de 100 ans. de son temps quelques rares exemples, comme le 16 octobre de cette même année 1933, quand il s'interroge seulement brièvement « Avant-hier soir, écrit Green, l'Allemagne s'est retirée de la SDN. Qu'est-ce que cela veut dire? Malgré tout, je ne crois pas à une guerre. » Merci beaucoup Guillaume Périlou. Je rappelle que vous êtes critique au magazine Têtu, c'était La Compagnie des œuvres, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Hélène Rivière et Adèle Caglard. Nous sommes toujours avec Pierre Loti. Demain, on parlera de l'œuvre avec Bruno Vercier qui fera le point sur l'ensemble de ses livres.